Le sage redoute la gloire comme l'ignominie. Son corps lui pèse comme une grande calamité. Qu'entend-on par ces mots? Il redoute la gloire comme l'ignominie. La gloire est quelque chose de bas. Lorsqu'on l'a obtenue, on est comme rempli de crainte. Lorsqu'on l'a perdue, on est comme rempli de crainte. C'est pourquoi l'on dit, il redoute la gloire comme l'ignominie. Qu'entend-on par ces mots? Son corps lui pèse comme une grande calamité. Si nous éprouvons de grandes calamités, c'est parce que nous avons un corps. Quand nous n'avons plus de corps, quand nous nous sommes dégagés de notre corps, quelle calamité pourrions-nous éprouver? C'est pourquoi, lorsqu'un homme redoute de gouverner lui-même l'Empire, on peut lui confier l'Empire. Lorsqu'il a regret de gouverner l'Empire, on peut lui remettre le soin de l'Empire.